envie de les attacher. M'en voulez pas, je suis trop fâché. Mais dis-moi qu'est-ce que tu as cru que j'avais changé. Je connais tous les vices de la rue, ne viens pas me faire chier. Y'a du courage dans la peur, y'a de la peur dans la rancœur. Cœur entraîne des morts, les morts font des familles en deuil. En deuil, il faut rester fort. Y'a pas de réconfort, on cherche du réconfort dans des bras qui nous feront la guerre entraîne la paix fait que l'on vit. Toute notre vie, on survit. La survie, ça suffit. Jamais ça suffit, on en veut toujours plus, fait qu'on est de moins en moins. Quand y'a moins, on est moins, y'a des témoins font que tu tombes pour des mois. Et pendant des mois, des années, tu lâches pas le morceau pour avoir un morceau. Le bonheur que tu cherches au lasso. Le bonheur est éphémère. Pas éphémère quand t'es au point mort. Au point mort je me laisse aller. Allez, nouveau mou cette année. Cette année tout part en vrille. Tout part en vrille. Me vacciner j'ai pas envie. J'ai pas envie. De moins en moins je me confie. Je me confie. Je veux pas de haine dans ton avis. Dans ton avis. Les envies de les attacher. M'en voulez pas. Je suis trop fâché. Mais dis-moi qu'est-ce que tu as cru que j'avais. Je connais tous les vices, la rue ne vient pas me faire chier. Des envies de les attacher. M'en voulez pas, je suis trop fâché. Mais dis-moi qu'est-ce que tu as cru que j'avais changé. Je connais tous les vices, la rue ne vient pas me faire chier. J'suis calé dans le Marco Benz, côté passager. Je repasse à mes problèmes quand j'ai pas lâché. Quand j'avais pas lâché, que ça m'a pas aidé. Maintenant niquez vos. Mais quand même je préfère qu'on soit pas fâché. Ils me font tous du vice, ils font tous des sourires. Pour pas que je vois leur masque. Parce qu'ils savent que je t'ai next. Et que dans le game je casse des têtes. Avec mes idées, mon style, je brasse comme l'évêque ou la caste. Ça veut niquer mon bénéf, niquer mon label. Si vous touchez mon père, on veut traquer que sous le pull. Et ça sera pas un bal à blanc, blanc, blanc. Faudra pas devenir blanc, bang, bang, bang, bang, bang. Vous m'avez millénaire, je suis mon professeur. Je crois au bon Dieu qui me protège des mauvais sorts. Fais pas confiance aux gens, ton cerveau il te les sort. Sort, sort. Et ouais, le sang, t'as raison. Faut tous les laisser parler. Avant qu'on perde la raison, qu'on aille tous les démarrer. Change pas pour des sous. Ils m'ont pris pour un skate. Ah, ils veulent faire les fous. Va les baiser en ré. Des envies de les attacher. M'en voulez pas. Je suis trop fâché. Mais dis-moi qu'est-ce que tu as cru que j'avais changé. Je connais tous les vices. La rue ne vient pas me faire chier. Some